Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise. Il avait appris son malheur, et l'en consola tant qu'il put. « Je sais ce que c'est, disait-il, en lui frappant sur l'épaule. J'étais comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. Je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises. Mais, puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir, et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Il faut vous secouer, monsieur Bovary, ça se passera. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Elle dit comme ça que vous l'oubliez. Voilà le printemps bientôt. Nous vous ferons tirer un lapin de la garenne, pour vous distraire un peu. » Charles suivit son conseil. Il retourna au Berthaud, la ferme des Rouault. Il retrouva tout comme la veille, comme il y a 5 mois, c'est-à-dire. Les poiriers étaient déjà en fleurs, et le bonhomme Rouault, debout maintenant, allait et venait, ce qui rendait la ferme plus animée. Charles arriva un jour vers 3 heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches, sur la table, montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant à la suite de la plaque, bleuissait un peu des cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et enfin lui offrit, en riant, de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de curaçao, atteignit 2 petits verres, emplit l'un jusqu'au bord, versa à peine dans l'autre et, après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle s'en reversait pour boire, et, la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre. Elle se rassit et elle reprit son ouvrage, qui était un bas de coton blanc où elle faisait des reprises. Elle travaillait le front baissé. Elle ne parlait pas, Charles non plus. L'air, passant par-dessous de la porte, poussait un peu de poussière sur les dalles. Il la regardait se traîner et il entendait seulement le battement intérieur de sa tête, avec le cri d'une poule au loin qui pendait dans les cours. Emma, de temps à autre, se rafraîchissait les joues en y appliquant la pomme de ses mains, qu'elle refroidissait après cela sur la pomme de fer des grands chenets. Elle se peignait d'éprouver, depuis le commencement de la saison, des étourdissements. Elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles. Elle se mit à causer du couvent, Charles de son collège, les phrases leur vinrent. Ils montèrent dans sa chambre. Elle lui fit voir ses anciens cahiers de musique, les petits livres qu'on lui avait donnés en prix, et les couronnes à feuilles de chêne, abandonnées dans un bas d'armoire. Elle lui parla encore de sa mère, du cimetière, et même lui montra dans le jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs tous les premiers vendredis de chaque mois pour les aller mettre sur sa tombe. Mais le jardinier qu'ils avaient n'y entendait rien. On était si mal servi. Elle eût bien voulu, ne fût-ce au moins que pendant l'hiver, habiter la ville, quoique la longueur des beaux jours rendît peut-être la campagne plus ennuyeuse encore durant l'été. Et, selon ce qu'elle disait, sa voix était claire, aiguë, ou, se couvrant de langueur tout à coup, traînée des modulations qui finissaient presque en murmures quand elle se parlait elle-même, tantôt joyeuse, ouvrant des yeux naïfs, puis les paupières à demi closes, le regard noyé d'ennui, la pensée vagabondant. Le soir, en s'en retournant, Charles reprit une à une les phrases qu'elle avait dites, tâchant de se les rappeler, d'en compléter le sens, afin de se faire la portion d'existence qu'elle avait vécue dans le temps qui ne la connaissait pas encore. Mais jamais il ne put la voir en sa pensée, différemment qu'il ne l'avait vue la première fois, ou telle qu'il venait de la quitter tout à l'heure. Puis il se demanda ce qu'elle deviendrait, si elle se marierait, et à qui. Hélas, le père Rouault était bien riche, et elle, si belle. Mais la figure d'Emma revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque chose de monotone, comme le ronflement d'une toupie, bourdonnait à ses oreilles. Si tu te mariais, pourtant, si tu te mariais. La nuit, il ne dormit pas. Sa gorge était serrée, il avait soif. Il se leva pour aller boire à son pot à eau et il ouvrit la fenêtre. Le ciel était couvert d'étoiles. Un vent chaud passait. Au loin, les chiens aboyaient. Il tourna la tête du côté des Berthaud.